Anne-Sophie Mouter, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'une des plus grandes musiciennes du monde et vous êtes également ambassadrice de SOS Village d'Enfants, qui a d'abord été créé en Autriche, en Allemagne, avant d'être créé en France. Vous qui devez être très sollicitée, vous qui ne vous engagez pas à la légère, pourquoi avez-vous accepté d'être ambassadrice de cette association qui vise à rapprocher les frères et sœurs orphelins? Oui, je suis mère aussi, pas seulement musicienne. Pour moi, le bien des enfants était toujours une chose très importante de ma vie. Et avec des petites filles, c'est tellement difficile de ne pas avoir une famille ou une famille qui est pas bien pour les enfants. Et l'idée de vivre avec une mère et plusieurs enfants est une idée très idéalistique, et ça aide vraiment de nourrir, et aussi de ça aide les enfants de grandir dans un environnement qui est plein de l'amour, qui est vraiment nécessaire, spécialement dans un temps quand nous sommes en face de terreur dans tout le monde, en particulier la France et aussi l'Allemagne, je crois toute l'Europe. Et c'est nécessaire de faire des gestes musicaux aussi dans la vie, pour moi, as a musicien en plus, parce que la musique est comme une grande embrasse pour tout le monde. Depuis Beethoven a composé le Ode an die Freude, cette hymne à être sœur et frère, et essayer de vivre avec grand respect ensemble. Thank you. Anne-Sophie Mutter, nous venons d'entendre un extrait de la 9e symphonie, l'hymne à la joie, d'après Schiller, musique de Beethoven, qui est l'hymne européen. Pensez-vous que ces valeurs européennes, ces valeurs au départ chrétiennes et républicaines, elles sont très importantes aujourd'hui et c'est quelque chose qui peut nous unir. Et le message de Beethoven, son idéal, son humanisme, est quelque chose qui doit nous aider à avancer et avancer debout. Je crois que la musique est quand même, à côté de la religion, une langue qui nous accepteront avec tous les racines religieuses ou culturelles. Et ça, c'est la seule possibilité dans la vie de vivre la même émotion dans une salle de concert avec tout le monde. Et je crois que l'idée Beethoven n'est pas forcément seulement une idée européenne. Je crois que c'est vraiment une idée mondiale. Et pour ça, une œuvre comme Schindler's List, qui est bien sûr une œuvre très tragique parce que c'est malheureusement une part tragique de l'histoire allemande. Et pour ça, le pièce que j'ai joué de John Williams a une grande importance dans ma vie. Parce que pour moi, c'est comme construire un pont entre mes amis dans tout le monde juif et moi comme une protestante et une allemande en plus. Voilà, nous venons de vous entendre, Anne-Sophie Mutter, dans ce thème si beau de la liste de Schindler, dans le film de Spielberg, et c'était écrit par John Williams. Comme vous le savez, cela fait une semaine que la France, Paris, et la jeunesse particulièrement, a été frappée par la barbarie. Certaines personnes ont comparé les terroristes aux nazis. Et peut-être que nous n'avons pas été assez vigilants, nous, les démocraties, face au mal. Le diable change de visage, il voyage. Et nous, quelquefois, nous ne sommes pas assez forts, parce que dans notre optimisme, dans notre idéalisme, nous ne voyons pas le visage du mal. Comme pendant les accords de Munich, nous n'avons pas barré la route à Hitler. Est-ce que vous pensez que c'est exagéré comme comparaison ou que c'est toujours quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit? Je crois que c'est très difficile de vraiment... L'histoire de l'humanité est dans un cycle de répétition. Si vous vous souvenez de, you know, Middle Ages, when the Christians were trying to convince the world that being Christian is the only religion worth living. Si vous vous souvenez, au Moyen-Âge, quand les chrétiens essayaient de convaincre le monde que la religion chrétienne était la seule religion qui valait d'exister, nous avons commis des erreurs au nom de Dieu. Les chrétiens ont dépassé ceci et ont appris du passé. Je pense sincèrement que beaucoup d'entre nous ont tiré des leçons des cruautés passées que nous avons commises au nom de Dieu. Nous ne sommes pas non plus tout blancs. Nous ne sommes pas non plus parfaits, et bien sûr, mes pensées vont avant tout à toutes les victimes des attentats terroristes de Paris. Je ne peux pas imaginer combien les parents ont pu être inquiets pour leurs enfants dont ils n'avaient pas de nouvelles, pour apprendre finalement qu'ils ont été tués dans les attaques. Mais dans un second temps, j'ai aussi une pensée pour les habitants en Syrie, morts, les femmes. Nous sommes au milieu d'une guerre, une guerre mondiale. Et je peux seulement espérer que l'éducation et le fait de comprendre qu'il y a des extrêmes, des extrémistes dans de nombreuses parties du monde, dans de nombreuses cultures. Il y a malheureusement des extrémistes en Allemagne. Nous avons des mouvements d'extrême droite très puissants, du moins de plus en plus forts. Je trouve ceci très malsain. Et il y a toujours un espoir que l'éducation et le fait de rassembler des nations différentes ensemble, des enfants dès le plus jeune âge, leur permettra de comprendre que nos besoins dans la vie sont plus ou moins les mêmes. Nous cherchons le respect. Nous cherchons l'amour, à être protégés. Et nous voulons vivre dans notre vie à notre manière, celle que nous pensons être la plus juste. Mais je ne suis pas une politicienne. Je suis vraiment désolée pour mon français qui n'est pas terrible. J'ai dû parler en anglais. On vous sent, Anne-Sophie Mutter, très, très concernée par les valeurs humaines. Ce sont des choses que vous avez apprises à travers votre éducation, à l'école, par vos parents, oui, par vos lectures. Toutes ces valeurs humaines vous ont été transmises par qui? Quand j'étais très jeune, je crois que j'étais 10 ans, 12 ans, ma mère m'a dit que Yehudi Menuhin était la première musicienne juive qui a retourné en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Et elle était très émue par ça et j'étais capable de sentir quel geste énormément généreux c'était pour tout le peuple. Pour tout mon peuple. Et dans cet instant-là, j'ai compris que musique, dans un instant très important, peut être un vrai cadeau pour l'humanité, parce que c'est un cadeau de l'amour. C'était Wilhelm Furtwängler, cet immense chef d'orchestre, qui avait invité Yehudi Menuhin, et Yehudi Menuhin était venu. Donc c'était deux immenses musiciens avait joué la musique au sommet, je crois que c'était le concerto de Beethoven. Absolument. J'avais lu le disque quand j'étais très très jeune et ça me fait aussi commencer de jouer le violon. Et Gilbert Coteau, qui est le fondateur de SOS Village d'Enfants, a travaillé avec Simone Veil, qui a été dans les camps de concentration, qui est juive. Gilbert Coteau lui a demandé un jour comment elle a pu pardonner aux Allemands, puisqu'elle a été députée européenne, elle a travaillé très vite avec. Et elle a répondu, l'amour. Donc l'amour, c'est quelque chose qui permet à l'homme de transcender, d'aller plus loin. Exactement. Et d'aller de l'avant. Je pense que l'amour doit être plus fort que la guerre. Et il le sera. J'en suis convaincue. Et quand vous jouez au violon, Anne-Sophie Mutter, vous avez l'impression de donner de l'amour? J'espère, mais quand je entends Dino Di Patti jouer Jesus, you know, my joy, this is clearly a gift to man. C'est clairement un cadeau fait à l'être humain, un cadeau de la part de Bach, mais aussi un cadeau de Dino Di Patti qui a disparu trop tôt. Mais qui parvenait à transmettre parfaitement de l'espoir et une certaine beauté dans la tragédie. C'est ce que nous allons entendre tout à l'heure, parce que c'est dans vos petites madeleines musicales, juste après une petite page de publicité. Anne-Sophie Mutter, nous nous retrouvons tout de suite. Passion classique avec Olivier Bellamy. Rediffusion de l'émission de 18h. Anne-Sophie Mutter, merci encore d'être l'invitée ce soir de Passion classique en cette journée international des droits de l'enfant avec SOS Village d'enfants dont vous êtes l'ambassadrice. Vous souvenez-vous de la petite fille que vous étiez? Vous étiez comment avant que Herbert von Karajan ne déclare au monde entier que vous étiez le miracle du siècle? Wunderbar. Où j'étais une enfant normale. Sauf, j'ai joué la violon et je voulais être musicien dans un âge très doux, dans l'âge de 6 ans. Ça, c'était peut-être pas normal. Mais à côté d'une vie avec de foot et des frères plus âgés et l'école et toutes les autres choses communes, c'était une jeunesse très rustique dans le Forêt Noire, près de la France et aussi la Suisse. Et bien sûr, à l'âge de 13, après jouer avec Herbert von Karajan, ma vie a changé dramatiquement. Dramatiquement, comment ça? Dramatiquement, oui, parce que j'ai commencé à faire des concerts dans tout le monde. Et bien sûr aussi à finir mes études comme musicien et comme élève à l'école. Mais pourquoi dramatiquement? Parce que jouer avec Herbert von Karajan, c'était un moment incroyablement excitant. Vraiment comme le ciel a ouvert une dimension de beauté, des couleurs, d'émotions. Je ne me souvenais pas si ça peut être possible. Moi, je me souviens aussi que vous aviez fait pleurer Slava Rostropovitch. Qu'est-ce que ça devait faire à la petite fille que vous étiez? Non, mais c'est ça qui est fou. La petite fille que vous étiez, quand des grands musiciens, des grands génies comme ça se mettaient à pleurer comme si Jésus, comme si le bon Dieu... Mais si, c'est un petit peu ça. Je ne sais pas. Je crois que j'ai jamais prenais ça très sérieusement. Parce que j'étais un petit peu gênée, je crois. Ou beaucoup gênée, quand même. Mais vous avez toujours pensé que ce don, alors appelons-le un don ou cette grâce, ce cadeau du ciel, disons, que vous avez, que c'était une responsabilité aussi, que vous deviez faire tout pour rendre absolument aux autres. Oui, la musique est là pour les hommes. La musique est là pour faire du bien, pour faire des concerts de bénéfice, comme pour les SES, Village, pour les enfants, mais pour beaucoup des autres causes. Parce que c'est une embrasse mondiale. Il faut ne pas faire la musique pour une profession seulement, c'est beaucoup plus que ça, je trouve. C'est une manifeste de les possibilités de l'esprit des hommes. C'est le moment des petites madeleines musicales. Anne-Sophie Mutter, vous avez accepté de jouer le jeu de Passion Classique. Voici donc votre première petite madeleine musicale. Like the beat, beat, beat of the tom-tom when the jungle shadows fall. Like the tick, of the stately clock as it stands against the wall, like the drip, drip, drip of the raindrops when the summer shower is through. So a voice within me keeps repeating you, you, you, night and day. No matter, darling, where you are, I think of you night and day, day and night. Why is it so? Alors, Night and Day de Cole Porter et Ella Fitzgerald. C'est ça. C'est un souvenir de mon enfance parce que à côté de Fort Wagner et Menuhin, c'était toujours le jazz que mes parents ont aimé et bien sûr moi aussi. Et j'étais mariée avec André Prévin qui est aussi incroyablement doué musicien de jazz. Et Ella Fitzgerald le voit, le texte Night and Day, c'est vraiment aussi de la musique extraordinairement transformante pour moi. Et puis il y a une notion de plaisir. C'est important, le plaisir. Oui, le plaisir, l'espérance, le soleil, la vie. Cela vous arrive de jouer du jazz vous-même? Je ne suis pas douée du tout de jouer du jazz et pour ça, je juste. I just enjoy listening. J'aime simplement l'écouter. Anne-Sophie Mutter, voici maintenant votre deuxième petite madeleine musicale. J'ai vu quelque part, vous savez, les madeleines, comme vous le savez, c'est dans Proust, La recherche du temps perdu. J'ai lu quelque part que vous étiez une lectrice de Proust, que vous avez beaucoup aimé. J'étais une grande, je suis toujours une profonde admiratrice de Émile Zola et Jean-Paul Sartre, et en particulier aussi de Simone de Beauvoir. Et il a un roman, au moins en allemand, le titre est Fosca. That's the story of a man who is. C'est l'histoire d'un homme qui est immortel. Il est le bras droit de Napoléon, de Charles de Gaulle, etc. Charles de Gaulle, and so on and so forth. And he has to. Et il doit apprendre que l'histoire se répète éternellement et que les humains apprennent très lentement de l'histoire. C'est un livre très touchant et malheureusement très actuel. Voici donc votre deuxième petite madeleine musicale. musique Ma Joie Demeure de Jean-Sébastien Bach par Dino Lipati, cet immense pianiste qui est mort à l'âge de 33 ans. Oui, à cause de leucémie, et j'ai joué beaucoup de concerts bénéfices pour la Fondation Lipati à Genève avec Limbadorcus, mon pianiste. Et c'était toujours une soirée très émouvante parce que pour nous, c'était un geste de grande admiration et aussi gratitude à la côté d'une artiste qui a vivré tellement court, mais laissé des œuvres musicales interprétées dans une qualité humaine et émotionnelle qui est absolument unique. Anne-Sophie Winter, j'ai vu il y a deux jours Iri Gitlis à Paris, qui vous salue. Et qui m'a dit, nous parlions comme ça de musique, et il me disait une chose qui m'a frappé. Il m'a dit, on devait parfois, nous les musiciens, quand on joue un mouvement rapide, penser lent, et quand on joue lent, penser rapide. Absolument, parce que le temps est dans la musique, dans l'art, je crois, un moment éternel. Et il n'a pas une émotion lente ou rapide, c'est tout là, c'est rapide et lente et rapide. Et quand vous êtes vraiment au milieu de la process de jouer la musique. Et vous avez la chance de jouer d'un instrument qui a une âme. C'est très beau ça, ce petit morceau de bois qui est dans le violon qui s'appelle l'âme. Oui, c'est très français, c'est très poétique. Dans l'allemand, c'est le Stimmstock et c'est pas poétique du tout. Et bien sûr, c'est l'âme parce que l'âme transporte les vibrations du son. Et je joue un Stradivari de 1710, Lord Dunraven, depuis à peu près 25 ans. Et c'est vraiment un instrument capable de tout. Moi, je ne suis pas capable de tout, mais l'instrument est là. Il faut juste poser les questions précises pour avoir le résultat. Vous êtes capable de tout, Anne-Sophie Moutard. Pas vraiment. En tout cas, le public français vous a vu et a été très nombreux à voir le concerto pour violon de Sibelius que vous avez joué pour le 150e anniversaire. C'était là, dimanche dernier, et au concert de Gebao. Vous étiez magnifique, alors une robe sublime, mais surtout le jeu. J'étais aussi à Paris en février, je crois, ou en mars, pour jouer dans la Philharmonie pour la première fois. Et c'est vraiment une salle extraordinaire. Et l'architecture contemporaine en Paris est vraiment un exemple de vision. Aussi, j'ai trouvé le musée Louis Vuitton de Franck Guéry particulièrement beau et vraiment une vision de l'architecture. Oui, ça c'est un chef-d'œuvre. Et l'environnement aussi dans le bois de Boulogne avec la nature. Oui, c'est très beau. Anne-Sophie Moutard, voici maintenant votre troisième petite madeleine musicale, un peu plus rock. Change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street. But not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them eat? A sonorous disregard, a broken bottle top, and one and four. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why no one yet to know. Michael Jackson, Man in the Mirror. Alors je sais que Martha Argerich aime beaucoup et est très fascinée par Michael Jackson. Je vois que vous aussi. Je Je ne savais pas, mais oui, oui, bien sûr. Quand j'étais jeune, Michael Jackson était à ses débuts. J'aime particulièrement Man in the Mirror pour son texte. Si nous voulons changer le monde, nous devons commencer par changer nous-mêmes. C'est une chanson humaniste, une chanson... Vous pensez souvent, Anne-Sophie Mutter, à tous ceux qui n'ont rien, à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui ont faim, à tous ceux qui doivent affronter la guerre, la haine. Comme vous le savez peut-être déjà, nous essayons d'apporter un refuge à un certain nombre de réfugiés dans mon pays tous les jours. 8 à 10 000 réfugiés sont accueillis chaque jour. Je ne suis pas sûre que mon pays soit vraiment capable d'accueillir tout ce monde. Mais nous devons essayer. Parce qu'aussitôt que nous laissons notre pays derrière nous, nous sommes des étrangers. Et nous devons avoir de l'empathie les uns pour les autres. Les hommes en sont capables et c'est une priorité au même titre que l'intellect. L'intellect sans empathie nous ramène à l'état d'animal. Finalement, la musique est une école de la pensée extraordinaire parce que un musicien, enfin, je veux dire un bon musicien, celui qui comprend le sens de la musique, il est forcé de relier son cœur, son âme, son esprit, ses doigts, tout. S'il y a une chose qui ne marche pas, la musique ne marche pas. Il n'y a pas de musique. Plus la musique, au meilleur... jouer avec des amis, jouer avec des autres et être juste une petite part d'un grand ensemble, d'une grande peinture. Ça, c'est une école de vie qu'il faut vivre très tôt dans la vie. Pour ça, l'éducation musicale pour nos enfants est tellement nécessaire parce que c'est une petite modèle de la vie, mais il faut être capable d'être membre d'un ensemble, comme une leader et quand même aussi de quelqu'un qui est juste là pour écouter. Je sais que vous êtes très intéressée par le cinéma, Anne-Sophie Mutter. Je sais que James Bond, je crois que vous l'avez vu. Oui, absolument, j'étais... pour la première fois dans un spectacle mondial, une première mondiale de James Bond à Londres. Et c'était bien sûr très impressionné. Et j'ai dit oui, je suis un petit enfant des fois. Et vous attendez Star Wars avec impatience? Absolument, c'est le 17 décembre, oui. Et vous avez choisi Korngold, alors, qui a fait la musique du film. En français, on dit L'Aigle des Mers, avec Errol Flynn. J'imagine bien que, quand vous l'aviez vu, vous étiez amoureuse, forcément, absolument, d'Errol Flynn. Oui, absolument. Mais j'étais encore plus amoureuse de la musique. La musique de Erich Wolfgang Korngold, et en particulièrement aussi le concerto de violon. Et pour moi, Korngold est un exemple d'un compositeur qui était capable d'écrire les choses les plus beaux et les choses les plus originales dans les deux mondes, le monde de la musique sérieuse et aussi la musique de film. Pour moi, il n'y a pas une différence. Il a des musiques, de musique bien construites et il a des musiques cheap. Mais Korngold est un exemple d'une génie qui a été capable de vraiment transporter ses dons dans toutes les langues musicales. Thank you. nous venons d'entendre la musique du film L'Aigle des Mers, composée par Korngold, et c'est dirigé par André Prévin. Musique absolument magnifique. Korngold était un compositeur juif qui est parti pour Hollywood. Il a pu composer, et la musique là date de 1940, et elle n'a pas pris une ride. Et comment faites-vous, vous, Anne-Sophie Mutter, pour durer, pour continuer d'abord à être toujours aussi belle, aussi, là nous sommes à la radio, mais les auditeurs vous connaissent bien, et à surtout garder ce niveau d'exigence, de perfection, et d'évoluer aussi. C'est quand même fascinant, un artiste, de rester toujours à un niveau d'exigence, mais tout en évoluant, parce que vous n'êtes pas la même que vous étiez avant. J'aime la musique, j'aime l'homme, et j'espère de faire mon mieux, et si le moment arrive que je ne suis pas capable de faire ça, j'arrête. Mais vous ne faites pas de séparation entre l'art et la vie. On a l'impression que vos sentiments d'être humain, de femme, de mère, d'être humain, sont mêlés à la musique que vous interprétez. Absolument. Alors, vous avez choisi de rendre hommage à une jeune pianiste, Katia Bouniatichvili. Vous aviez joué du piano quand vous étiez jeune. Peut-être que vous en jouez encore un peu. Non, pas bien. Mon fils joue de piano quand même bien. Et Katia Bouniatichvili et Trifonov, Tania de Trifonov, les deux musiciens jeunes, les deux pianistes jeunes, j'admire beaucoup parce qu'ils sont des poètes. À la côté technique, bien sûr, dans les plus hautes, dans la plus haute niveau, mais quand même les deux ont trouvé un langue très personnel dans leur style de jouer, et j'aime les deux, Katia Bouniatichvili et Daniel Trifonov. D'entendre un extrait de Romance sans parole de Mendelssohn par Katia Bouniatichvili, qui est une déesse, mais qui est parfois critiquée, alors pas forcément toujours pour des raisons musicales. C'est normal, nous sommes tous critiqués. Il faut être critiqué. Si vous avez toujours et seulement des amis comme artiste, quelque chose, ça va pas bien. Ouais. C'est pas normal. Non, mais j'ai vu quelquefois des gens dire quand une femme est belle, elle s'habille bien. D'ailleurs, vous, dans le concerto de Sibelius, vous aviez une robe aussi magnifique. Katia, quand elle joue, elle met des belles robes aussi. Mais certaines personnes, on a l'impression que ça les dérange, que la beauté les dérange. Finalement, comme disait Baudelaire, la beauté dérange quelque part. Je suis pas un homme, pour ça c'est difficile pour moi de vous dire je suis dérangée par Katia Bouniatichvili's beauté. Mais joke aside, I think we have to look at musicians in our times. Blague à part, je crois que nous devons considérer les musiciens d'aujourd'hui avec un regard plus moderne. On peut être un merveilleux artiste et une très belle personne, je ne vois aucune contradiction. Je me dis même que la combinaison des deux rend l'ensemble encore plus convaincant, à condition bien sûr que l'artiste reste toujours au premier plan. Anne-Sophie Mutter, vous avez enregistré un disque qui est numéro un ici en Allemagne dans la musique classique, que vous avez enregistré dans un club. Alors, ce sont des tubes, très belle musique, classique, mais facile à découvrir pour un public non initié. C'est important pour vous aussi de mettre votre talent au service de ceux qui pensent qu'ils n'ont pas accès à la musique classique et d'aller dans des lieux différents. Absolument. Je trouve le club un environnement parfait pour le violon, parce que le violon est capable aussi des couleurs très doux, très intimes. Et à cause de ça, j'étais toujours contre les grands stades. J'ai jamais joué dans les grands stades et je suis assez amoureuse d'une petite club où la public est très proche, physiquement proche et aussi émotionnellement proche. Et pour ça, nous avons commencé un projet à Berlin en mai de jouer des extraits de les quatre saisons de Vivaldi avec mes élèves. Et aussi des extraits des pièces des Gershwin ou Schindler's List ou Debussy, Clair de Lune, des choses très beaux, très courts, comme un club et un environnement où vous servir des petits extraits juste pour goûter la violon pendant une période de 300 ans depuis la baroque jusqu'à Johnny Williams, pour offrir un jeune public dans un environnement très léger, très relaxed. La musique est, you know, hopefully, they will fall in love. J'espère qu'ils tomberont amoureux de la musique. Passion classique avec Olivier Bellamy. Rediffusion de l'émission de 18h. Anne-Sophie Mutter, merci encore d'être là ce soir dans Passion classique à l'occasion de la Journée internationale de l'enfant. Et vous avez aussi une fondation, vous aidez les jeunes musiciens. Oui, les jeunes violonistes, cellistes, depuis 17 ans, cette organisation existe et nous sommes en aide pour une jeune génération mondiale. Vraiment, nous avons beaucoup d'étudiants dans l'Europe, bien sûr, mais aussi du Canada et des États-Unis, quand même aussi le Corée, la Chine, des gens de l'âge de 40 jusqu'à 20 ans, 25, 26. C'est une part de ma vie qui est très importante pour moi, parce que si ce n'était pas pour Herbert von Karajan quand j'étais 13 ans, et aussi le grand professeur qui m'a aidé pour tellement l'année, Aida Stucki. Il faut donner pour les jeunes. Et pour moi, jouer avec les jeunes et aider à le grandir, c'est un cadeau à moi-même. Nous allons écouter un extrait de cet album, mm-hmm. Mutter Live, The Club Album. Et c'est une rumba jamaïcaine. Absolument, par un compositeur australien. Et c'est peut-être la seule composition qui a survécu de cette monsieur-là. Et c'est joué avec Lombard Orchis. Thank you. Lambert Orkis au piano, vous, Anne-Sophie Mutter, qui jouez cette rumba jamaïcaine, et c'est dans l'album qui vient de sortir, The Club Album. Est-ce qu'il y a des œuvres, vous avez beau les jouer encore, et vous y trouvez toujours de nouvelles choses. Quelle est, parmi tous les concertos du répertoire, que ce soit le Brahms, Beethoven, le Sibelius, Tchaïkovski, Mendelssohn, quel est celui qui peut-être, c'est difficile de dire une préférence, c'est même impossible, mais un concerto qui est particulièrement attaché à vous, comme un talisman, comme une chose un peu magique dans votre carrière, comme un compagnon, véritablement. Oh, dans le monde de la musique, j'ai beaucoup de compagnons, mais peut-être le concerto de Beethoven est toujours le concerto le plus profond de leur répertoire, et c'est un concerto que j'ai joué quand même à peu près 25 fois avec Abel von Karajan. C'est un concerto, nous avons fait un disque quand j'étais 16 ans seulement, et ça, son empreinte dans cette pièce-là est très très vivante, et pour moi c'était toujours une pièce de grand artistique valeur. Et c'est Beethoven quand même, pour revenir à l'idée de brotherhood et le ode aux joies des hommes. Et c'est une idée philosophiquement que j'ai très attachée à moi. Quand vous jouez Beethoven, vous avez l'impression de bien le connaître, même si l'homme et l'œuvre, évidemment qu'il y a des points de rapprochement, mais le créateur n'est pas exactement comme l'homme. La preuve, c'est qu'un compositeur comme Wagner pouvait pas être très sympathique, mais sublime dans son art. Donc, on peut pas vraiment. Mais, en ce qui concerne Beethoven, est-ce que, en jouant, vous avez l'impression de bien le connaître, lui ? Je crois, dans le cas de Beethoven, un homme qui était sourd, dans l'âge, je crois, il était 28. Et il a aussi écrit le testament de Heiligenstadt. Il était vraiment, you know, he was wrestling with God, with becoming deaf. Il luttait avec Dieu du fait de sa surdité et qu'il ne pouvait plus composer. He decided to have faith in God. Mais il a décidé d'avoir foi en Dieu et d'offrir à la société pour la beauté de la musique. So this, through darkness, de ce voyage de l'obscurité à la lumière, nous devons apprendre, particulièrement aujourd'hui. Nous devons passer par l'obscurité et croire en cette lumière au bout du tunnel. Anne-Sophie Mutter, la dernière question avant que nous nous séparions, malheureusement, j'ai envie de vous demander, pour vous, notre monde, on le voit bien, souffre d'un déficit de profondeur, de spiritualité. Si on regarde par rapport aux temps anciens, ou peut-être la spiritualité, quand on voit les cathédrales, les églises, l'homme et la nature, l'homme vivait en harmonie beaucoup plus avec la nature, et tous ces grands chefs-d'œuvre des grands compositeurs, on a l'impression qu'aujourd'hui, il nous manque quelque chose. Comment faire pour nous occuper de notre âme à nous? C'est une très bonne question. Je crois que la littérature, la peinture, la sculpture, la musique, qui est une donne de ciel pour nous tous, pour les créateurs et aussi le consommateur, il faut ouvrir ça pour les enfants très jeunes, pour leur donner une île de beauté, de spiritualité, qui n'est pas religieuse, c'est une autre spiritualité. C'est aussi une question d'éthique dans la vie. Je crois qu'il a un très bon bouquin de Dalai Lama, c'est assez nouvelle, et il parle de la nécessité du monde d'éthique, plus d'éthique et moins de la religion, juste pour vivre ensemble dans un environnement avec plus de respect. Et je crois que l'éducation dans les arts est un grand cadeau pour l'homme et peut-être encore plus pour les petits enfants. Eh bien, merci beaucoup. Anne-Sophie Mutter. Excusez-moi en français, I'm really sorry. c'est merveilleux que vous ayez voulu parler en français, ça nous touche profondément. Surtout en ce moment, ce genre de petits gestes nous touche énormément. Merci beaucoup, Anne-Sophie Mutter. Merci à vous. Et bien voilà pour cette émission avec la violoniste Anne-Sophie Mutter qui a été enregistrée à Munich. Merci aux auditeurs et aux auditrices qui ont laissé leur message à Anne-Sophie Mutter sur le site radioclassique.fr. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Classique.